La communauté internationale qualifie le dirigeant suprême Kim Jong-un de nouveau grand homme de valeur de soleil. Le Parti pour le progrès du peuple, le Parti pour la prospérité et le progrès et le Comité national d'études du kim-sunnisme-kim-jong-lisme du Nigérian ont élu le dirigeant suprême coréen comme le dirigeant national d'honneur et le président d'honneur, alors que diverses formations politiques et sociales lui ont offert les titres d'honneur, ordres, médailles, certificats et diplômes. La revue américaine Time a placé le dirigeant suprême à la première place d'illustres hommes 2012 et la CNN américaine l'a nommé comme un des 10 hommes illustres d'intérêt suprême mondial. La réunion annuelle du Forum des Nouvelles Internationales de Chine 2012, tenue en Chine, a aussi choisi notre maréchal comme un des 10 hommes célèbres étrangers de 2012 à l'unanimité de tous les voteurs. Le président de l'Association d'amitié Danemark-République populaire démocratique de Corée et autres personnalités du monde ont affirmé que son Excellence Kim Jong-un est le soleil d'aujourd'hui qui séduit l'humanité avec sa politique d'amour, de confiance et de vertu qu'aucun homme politique du monde n'avait pratiquée. Plus de 200 000 masses médias du monde comme Russie, Japon, Grande-Bretagne, Allemagne et États-Unis ont fait part de son éminent leadership et de sa noble vertu populaire pour avoir manifesté dans le monde la capacité nationale de la Corée Chuché et réalisé l'unité monolithique du peuple.